masumu na sala kikolo soki ngana yebaki nele kolo ngaina sumu kakite oh. Eza ndebo mwana anangai na sala kina no mwana na yebaki te oyo zambe nos péchés, il est filé de juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Alléluia. Et comme on a sala qui colo, so qui n'a na yebaki, nel colo maina sala qui yangote baba. Oh, et ça n'est bon moine. Sala kina no mwana, aye makite oyo tempe, elona yo.